Page 239. Exercice 4. 1. Tiens, c'est amusant. Mon collègue est né le 28 septembre, comme moi. Et nous avons habité quelques années dans la même ville, sans le savoir. 2. Mon chef est très efficace. Il a pris le projet en main et tout a été réglé en quelques jours. 3. Ce n'est pas un travail sérieux. Cela a été fait beaucoup trop vite. 4. Le projet a démarré très vite et très fort. 5. Les deux laboratoires de recherche vont travailler, ensemble et en même temps, sur ce projet européen.